The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To cross. Traverser. Light. Le feu. Green. Vert. To know. Savoir. Watch out. Attention. Step. La marche. Blind. Aveugle. Now, a bit faster. To cross. Traverser. Light. Le feu. Blind. Aveugle. To know. Savoir. Green. Vert. Watch out. Attention. Step. La marche. Now, use the words in context. Traverser. You have to look before crossing the road. Il faut regarder avant de traverser la rue. Traverser. I always cross the road at the crosswalk. Je traverse toujours la rue sur les passages piétons. Traverser. She's crossing the road to say hi to him. Elle traverse la rue pour lui dire bonjour. Le feu. The light is green. You can go. Le feu est vert. Tu peux y aller. Le feu. Stop. The light is red. Arrête-toi. Le feu est rouge. Le feu. The light is orange. You have to slow down. Le feu est orange. Il faut ralentir. Attention. Be careful. The floor is wet. Attention. Le sol est mouillé. Attention. Pay attention. He's dangerous. Attention. Il est dangereux. Attention. Pay attention when you drive. Fais attention quand tu conduis. La marche. Mind the step. Attention à la marche. La marche. This step is too high. Cette marche est trop haute. La marche. How many steps does this staircase has? Cet escalier a combien de marches? Aveugle. Are you blind or what? It is here. Tu es aveugle ou quoi? C'est ici. Aveugle. This old man is blind. Ce vieil homme est aveugle. Aveugle. There's too much sun. I feel like I'm blind. Il y a trop de soleil. J'ai l'impression d'être aveugle.